La malle de Simbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Julie à la technique. Infos, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture. Marhaba bikoum, bienvenue à vous dans la malle de Sindbad. Marhaba fi barnamj Sundouq Sindbad. Voici donc la cinquième émission consacrée à Oum Kalthoum et nous allons parler aujourd'hui de son exigence extrême. Mais sans plus tarder, nous vous proposons d'écouter un titre de 1963, La Ya Habibi. Les paroles sont de Abd al-Fattah Mustafa, la musique de Riyad al-Sumbadi. Kalimat Abd al-Fattah Mustafa, Al-Han Riyad al-Sumbadi. Bonne écoute. Thank you. المشهور المشهور وحياتي لك وحدك ولك على طول الليل ونهاري فكري بيك مشغول مشغول وحياتي لك وحدك ولك على طول ولسه بتصدق حسود Ya Habibi, une chanson de 1963, d'Oum Kathoum, les paroles sont d'Abdel Fattah Mustafa et la musique d'Oriyad Essoumbati. Voyons à présent, si vous le voulez bien, comment travaille Oum Kathoum. Son œuvre n'est jamais au repos. L'artiste est une adepte de la révision permanente. 20 fois sur le métier, 20 fois sur le métier. La gestation d'une chanson dure une année environ. La première étape réside dans le choix du texte et sa réécriture. Qu'il existe, pensons par exemple à une pièce exhumée d'une anthologie, ou qu'il soit une création originale. Quand cette trame initiale est achevée, elle est transmise au musicien responsable de l'habiller, une lourde tâche. Oum Kathoum épuise plumes et cordes, imposant de longues séances où elle fourbit avec acharnement ses armes. Alors seulement, commence le travail avec son ensemble instrumental, le tart. Les répétitions s'enchaînent et chaque détail de la partition se voit discuté, évalué, validé, ou modifié. Quand la machine est enfin réglée, il est temps de passer au studio. Ce rituel est parfaitement rodé à partir des années 1950. Pas une nouveauté ne paraître en concert avant d'avoir été minutieusement préparé, enregistré et annoncé par voie de presse. Promotion oblige. Voilà donc effectivement une manière extrêmement précise, extrêmement, encore une fois, exigeante pour un travail finalement de longue haleine, hein, quand on y songe, une année de préparation avec donc des répétitions à n'en plus finir et en permanence un jeu de navette, un va-et-vient entre l'artiste et son équipe. Nous vous proposons d'enchaîner avec une nouvelle pause musicale. Sans plus attendre, « Matsabarnish bi'oud wa kalam ma'soul wa uhud » Ne me fais pas languir, « Matsabarnish bi'oud » avec tes promesses, « wa kalam ma'soul » tes paroles de miel, « wa uhud » et tes serments. Les paroles sont de Abdel Wahab Mohamed, la musique de Mohamed El Maougi, « Kalimet Abdel Wahab Mohamed » Al-Han, les Mohamed El-Maougi. Et voici donc l'introduction, la première stanza et l'instrumental de ce morceau extrêmement connu, Matsabarnish Bewa'oud wa Kalem Ma'soul wa Uhud. Bonne écoute! وهي غلطة أمور الصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا صبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي. Voilà, c'était donc eh bien cette très célèbre chanson Le Sabr Hdoud, donc il y a des limites à la patience, c'était donc une chanson interprétée par Oum Kathoum. Les paroles sont d'Abdel Wahab Mohamed et la musique de Mohamed El Maoghi. Qu'est-ce qui caractérise les concerts d'Oum Kathoum? Le concert finalement, eh bien, s'apparente à un véritable service religieux avec son décorum, sa liturgie, sa communion, ses ouailles, immuablement, le premier jeudi du mois de 1936 à 1973, l'opéra du Caire accueille le concert d'Oum Kathoum. Il s'agit d'un récital que les ondes nationales diffusent en direct dans tout le pays. La diva officie avec ses sacristains devant, au premier rang, la cour, le balad, passé au grade de Samarioun, il s'agit là d'auditeurs éclairés, des gourmets, en somme. L'interprète mène l'ensemble. La soirée débute vers 21h30, un mouchoir blanc à la main, et comprend généralement trois pièces, trois wasla, entrecoupées de pauses d'une demi-heure ou plus. Au total, la représentation dure de 3 à 6 heures, c'est-à-dire qu'elle entraîne des millions d'Égyptiens, mais également d'Arabes, à veiller tard dans la nuit. Le lendemain, le vendredi, étant d'ordinaire un jour férié. Cette tradition, donc de la veillée, cette tradition du Samar, s'enracine dans des pratiques fort anciennes. Le livre des chansons, Kitab al-Arani, rédigé par le Sfahani au Xe siècle chrétien, relate une myriade de ces nuits entre princes et commensaux faisant route, à force de traits d'esprit et de raffinement, mais aussi de boissons, faisant route donc vers le tarab. Qu'est-ce que le tarab? Eh bien, il s'agit de la jouissance procurée par une culture commune, l'adab. Il s'agit donc des belles lettres. Et cette jouissance qui naît dans la consommation d'une culture commune, eh bien, se déroule dans le cadre nocturne d'une république d'ego éphémère. Le choix du programme se produit la plupart du temps sur le vif, en fonction des réactions du public. Le soliste dominant, appelons-la Motriba, est responsable du trajet vers le Tarab. Il n'y a qu'à tendre l'oreille pour se souvenir du prima du mot, de la diction, du tajouïd, cette juste et belle récitation, pour ne pas oublier qu'ici, le Coran est à la base de la musique arabe. Les cadences, qafla, participent de la dramatisation lors de la performance. Elles résolvent un passage ou découvrent une voie jusque-là inexplorée. À ces charnières s'ajoutent les ornementations, les akharif, comme dans « Anam fintidharak » avec lequel nous nous quittons aujourd'hui. Il s'agit d'un morceau de 1943, « Je t'attends, Anam fintidharak ». Les paroles sont de Bayram Tounsi, la musique de Zakaria Ahmed. Ce crochet, cette entorse au déroulé chronologique que nous avons retenu pour ces émissions, nous permettra d'entendre une demi-heure d'interrogation. Je voulais savoir si tu n'es pas fâché, Rabban, ou que ton cœur n'est pas occupé par la pensée d'une autre, d'un insane. Bonne écoute, Anafintizarek, ma'assalama. Thank you.

Disney.